Chapitre 66e. Les assistants à la signature du contrat s'approchèrent de la table où étaient déposés les deux actes, et Mademoiselle de Boisménil dit tout bas à Herminie avec un accent d'inquiétude « Hélas, mon ami, ma sœur, voilà le moment décisif, tout va se découvrir. Que va penser, que va faire Monsieur Olivier? Je serai sous le coup de la révélation de je ne sais quelle faute commise par moi que je ne me sentirai pas plus inquiète. » « Courage, Ernestine, » répondit Herminie, « ayez toute confiance dans Monsieur de Maillefort. » Si Ernestine éprouvait quelque crainte au sujet des scrupules d'Olivier, le bossu n'était pas plus rassuré au sujet de la susceptibilité d'Herminie, qui, à cette heure, ignorait encore qu'elle était portée au contrat comme fille adoptive du marquis de Maillefort, prince-duc de Haut-Martel. Ce fut donc avec un certain serrement de cœur que le bossu s'approcha de la jeune fille et lui dit « C'est à vous de signer, mon enfant. » Le notaire présenta la plume, la jeune fille la prit, et d'une main tremblante de bonheur et d'émotion, elle signa « Herminie ».« Eh bien, mon enfant, » lui dit M. de Maillefort, qui l'avait regardé écrire, et qui la vit sur le point de remettre la plume au notaire, « pourquoi vous arrêtez ainsi ?» Et comme sa protégée le regardait, muette de surprise, le bossu poursuivit. « Sans doute, continuez donc et signez « Herminie de Maillefort ».»« Ah !» « Je comprends tout maintenant, » dit Gérald à sa mère, avec une émotion profonde. « Monsieur de Maillefort est le meilleur, le plus généreux des hommes. » Herminie, qui avait continué de regarder le bossu sans trouver une parole, lui dit enfin « Mais monsieur, je ne saurais signer Herminie de Maillefort. Ce nom, mon enfant, » reprit le bossu d'une voix touchante. « Ne m'avez-vous pas dit bien souvent que vous ressentiez pour moi une affection toute filiale ?»« Sans doute, monsieur. N'avez-vous pas cru ?» continua le bossu, ne pouvoir mieux m'exprimer votre reconnaissance qu'en me disant que je vous témoignais la sollicitude d'un père. « Oh oui, monsieur, du père le plus tendre !» s'écria la jeune fille avec effusion. « Eh bien alors, » dit le marquis en souriant avec une bonhomie charmante, « qu'est-ce que cela vous fait de porter mon nom? Vous m'aviez déjà promis que si vous aviez un fils, il le porterait, ce nom. N'êtes-vous pas d'ailleurs, par le cœur, par votre attachement pour moi, par ma tendresse pour vous, mon enfant d'adoption ? Pourquoi ne signeriez-vous pas ce contrat comme ma fille adoptive ?« Moi, monsieur, » dit Herminie qui ne pouvait croire encore à ce qu'elle entendait. « Moi, votre fille adoptive ?»« Eh bien oui. Sachez enfin mon orgueil. Je me suis vanté de cela. Je vous ai même fait désigner ainsi dans le contrat. »« Monsieur, que dites-vous ? Voyons. » ajouta le bossu, les larmes aux yeux et avec un accent irrésistible. « Croyez-vous que j'ai légitimement gagné le glorieux bonheur de pouvoir dire à tous « C'est ma fille ?» Refuserez-vous enfin d'honorer encore en le portant un nom toujours respecté ?»« Ah, monsieur, » dit Herminie, ne pouvant à son tour retenir ses larmes, « tant de bonté. Eh bien alors signez donc, méchant enfant, » dit le marquis en souriant, les larmes aux yeux. « Sinon l'on s'imaginerait peut-être qu'une belle et charmante créature comme vous a honte d'avoir pour père adoptif un pauvre petit bossu comme moi. »« Ah, cette pensée !» dit vivement Herminie. « Eh bien alors signez, signez, vite !» ajouta le marquis, et par un mouvement rempli d'affection, il prit la main d'Herminie, comme pour guider sa plume, et s'approchant ainsi d'elle, il lui dit sans que personne l'entendît. « Enfin, celle que nous regrettons ne m'a-t-elle pas dit « Soyez un père pour ma fille !» Tressaillant à se souvenir de sa mère, étourdi par cette proposition si inattendue, vaincu enfin par l'attendrissement, par la surprise, par sa reconnaissance pour le marquis, la jeune fille, d'une main tremblante d'émotion, signa au contrat Herminie de Maillefort. La jeune artiste ignorait qu'elle acceptait et consacrait ainsi la généreuse donation du bossu, dont elle ne connaissait pas la fortune considérable. Le commandant Bernard se sentit si ému de cette scène qu'il s'approchait du bossu et lui dit « Je suis ancien officier de marine et oncle d'Olivier. Je n'ai l'honneur de vous connaître que par tout le bien que M. Gérald m'a dit de vous. Et par l'appui que vous avez bien voulu lui prêter pour faire nommer Olivier officier. Mais ce que vous venez de faire pour Mademoiselle Herminie montre un cœur si généreux qu'il faut que vous me permettiez de vous serrer la main. « Eh bien cordialement, je vous l'assure, monsieur, » repartit le marquis en répondant à l'avance amicale du vétéran. « Je n'avais non plus l'honneur de vous connaître que par tout le bien que mon brave Gérald, l'ami intime de monsieur Olivier, m'avait dit de vous. Je savais les avis remplis de haute raison et de délicatesse que vous aviez donnés à Gérald lorsqu'il s'est agi de son mariage avec Mademoiselle de Beauménil, et comme les gens de cœur sont rares, monsieur, c'est une bonne fortune pour moi que de me rapprocher de vous. Cette bonne fortune ne pouvait d'ailleurs me manquer, ajouta le bossu en souriant, car vous aimez Ernestine et Olivier comme j'aime Herminie et Gérald. Aussi, je vous demande un peu la bonne vie que nous allons mener avec ces deux jeunes et charmants ménages. Pardieu, monsieur, vous me rendez bien heureux, dit le vétéran. Alors je vous verrai souvent, car je suis décidé à ne pas quitter Olivier et sa femme. Et moi, à vivre avec mes enfants, Gérald et Herminie, et comme nos deux chères filles s'aiment en sœurs, elles ne se sépareront pas non plus, dit le commandant. Et alors, nous vivrons tous en famille, ajouta le bossu. Tenez, monsieur, s'écria le vétéran, si j'avais été dévot, le diable m'emporte, si je ne dirais pas que c'est le paradis que le bon Dieu m'assure pour mes vieux jours. Allez, monsieur Bernard, tous les honnêtes gens sont de la même religion, celle du cœur et de l'honneur, c'est la vraie, c'est la bonne. Mais dépêchons, ces deux pauvres enfants meurent d'impatience de signer leur contrat à leur tour. C'est vrai, dit le commandant, et s'adressant à Ernestine. Allons, mademoiselle, écrivez vite au bas de ce bout de papier ce nom qui va me donner le droit de vous appeler ma fille, quoique je vous doive la vie, ajouta gaiement le vieux marin, car entre nous deux c'est toujours le monde renversé, ce sont les filles qui donnent la vie au père. Ernestine prit la plume des mains du notaire avec une angoisse inexprimable que partageaient pour des motifs différents tous les acteurs de cette scène, à l'exception d'Olivier et du commandant Bernard. Ernestine signa donc au contrat. Ernestine Verpuis de Beauménil, puis elle offrit d'une main tremblante la plume à Olivier. Celui-ci s'empressa de signer avec un bonheur indicible. Mais à peine avait-il tracé son prénom d'Olivier que la plume s'échappa de sa main et il resta un instant penché sur la table, muet, immobile de stupeur, se croyant le jouet d'une illusion en lisant au-dessus de son nom qu'il venait de commencer d'écrire cette signature Ernestine Verpuis de Beauménil. La cause de la surprise d'Olivier était si prévue par la plupart des assistants que tous gardèrent pendant quelques instants un profond silence. Le commandant Bernard seul éleva la voix et dit à son neveu « Eh bien, mon garçon, que diable as-tu? Ne sais-tu plus signer ton nom ?» Puis le vieux marin, encore plus étonné du silence des autres personnes, les interrogea du regard. Mais sur toutes ces physionomies, et notamment sur celles d'Ernestine et d'Herminie, il remarqua une expression grave, inquiète. Le vétéran, pressentant alors quelques sérieux incidents, dit à son neveu « Olivier, mon enfant, qu'y a-t-il? Qui t'empêche de signer ?»« Lisez ce nom, mon oncle !» répondit le jeune homme en indiquant d'un doigt tremblant la signature d'Ernestine. « Ernestine Verpuis de Beauménil ?» s'écria le vieillard, approchant le contrat de ses yeux comme s'il ne pouvait croire à ce qu'il voyait. Puis il reprit en se tournant alors vers Ernestine. « vous, mademoiselle de Beauménil ?»« Oui, monsieur, » dit gravement monsieur le baron de la Rochegue. « Moi, tuteur de mademoiselle de Beauménil, je déclare, je certifie, j'affirme que mademoiselle est en effet ma pupille, et c'est pour cela que ma présence à son mariage était indispensable. »« Mademoiselle, » dit Olivier à Ernestine d'une voix altérée et en devenant très pâle, « excusez ma stupeur. » Toutes les personnes présentes ici la comprendront. Vous, mademoiselle de Beauménil, vous que j'ai cru pauvre et abandonnée parce que vous me l'avez dit, mais alors quel était le but de cette feinte ? Ernestine, voyant l'expression pénible des traits d'Olivier, sentit son cœur se briser. Ses larmes coulèrent, et elle ne put prononcer que ces mots, en joignant ses mains d'un air suppliant. Pardon, monsieur Olivier, pardon. Il y avait une candeur si touchante dans ces seuls mots de la pauvre enfant, s'excusant, avec cette adorable naïveté, d'être la plus riche héritière de France, que tous, jusqu'au baron et à madame de Sainte-Terre, furent délicieusement attendris. Olivier lui-même sentit les larmes lui venir aux yeux. Monsieur de Maillefort comprit qu'il était temps de poser nettement les faits, et de détruire jusqu'au moindre scrupule d'Olivier, car le bossu voyait clairement que le jeune homme, à bon droit étonné du mystère étrange dont mademoiselle de Beauménil s'était jusqu'alors entourée à son égard, souffrait cruellement de la lutte que se livraient son amour et son ombrageuse délicatesse. « Veuillez, monsieur Olivier, et vous aussi, monsieur le commandant Bernard, me prêter quelques moments d'attention, » dit le marquis, « et vous allez savoir le mot d'une énigme qui doit vous surprendre et vous inquiéter. Mademoiselle de Beauménil, orpheline, immensément riche, ignorant d'abord dans sa candeur les passions cupides qui s'agitaient autour d'elle, eut foi à des louanges exagérées, à des démonstrations affectueuses qui cachaient des projets intéressés. Lorsqu'un jour, un ami de sa mère, ne pouvant malheureusement en faire plus, a du moins averti Mademoiselle de Beauménil que, autour d'elle, tout était mensonge, flatterie, avidité, bassesse, et que si elle était le prétexte des empressements qu'on lui témoignait, son énorme fortune en était le seul motif. Cette révélation fut terrible pour Mademoiselle de Beauménil. Dès lors, obsédée par la crainte de n'être jamais aimée que pour ses richesses, elle trouva bientôt insupportable cette défiance de tout et de tous. Aussi, sans appui, sans conseil, Mademoiselle de Beauménil résolut courageusement de savoir enfin sa valeur réelle. Cette appréciation devait lui servir à mesurer la sincérité des adulations dont on la poursuivait. Mais cette vérité, comment la savoir? Un seul moyen restait à Mademoiselle de Beauménil, se dépouiller du prestige qui entourait la riche héritière, se donner, dans un monde où elle était inconnue, pour une pauvre orpheline, vivant de son travail, etc. « Oh, assez, monsieur, assez !» s'écria Olivier avec un accent d'admiration profonde. « Je devine tout maintenant, quel courage !»« Elle a fait cela ?» s'écria le commandant Bernard en joignant les mains par un mouvement d'adoration. « Mais elle a donc toutes les baillances ?» Braver une si pénible épreuve, se jeter sous une roue pour m'empêcher d'être broyé. Vous entendez votre oncle, monsieur Olivier, dit le marquis. Quelle que soit, à cette heure, la position de Mademoiselle de Beauménil, n'avez-vous pas toujours à acquitter envers elle une dette de reconnaissance? Ah, monsieur, s'écria Olivier, cette dette, cause sacrée de l'affection la plus vive, j'espérais l'acquitter en offrant à Mademoiselle de Beauménil de partager mon sort un peu moins malheureux que le sien, car je la croyais pauvre et abandonnée, mais à présent je... Un dernier mot, monsieur Olivier, dit vivement le marquis en interrompant le jeune homme. Mademoiselle de Beauménil et moi, nous connaissions et nous respections votre orgueilleuse susceptibilité. Aussi, pour vous épargner le moindre sujet de reproche envers vous-même, nous étions convenus avec monsieur de la Roche-Aiguë, ici présent, de vous mettre dans l'alternative de manquer à une promesse sacrée faite à une jeune fille que vous croyez bien malheureuse ou de refuser la main de Mademoiselle de Beauménil. Vous êtes noblement sorti de cette épreuve si dangereuse pour tout autre. Vous avez sacrifié un mariage fabuleusement riche à votre affection pour la pauvre petite brodeuse. Quelle plus grande preuve de désintéressement pourrez-vous jamais donner ? Aucune, dit le commandant Bernard. Je suis plus jaloux que personne de l'honneur d'Olivier. Aussi, je lui dirais que s'il est honteux d'épouser une femme pour son argent, il ne faut pas non plus, lorsqu'on aime sincèrement la meilleure des créatures, refuser de tenir un engagement d'honneur, d'acquitter une dette sacrée, parce que cet adorable enfant se trouve avoir un jour beaucoup d'argent. Et, par Dieu, mon brave Olivier, suppose que Mademoiselle Ernestine, pauvre hier, a hérité ce matin d'un parent archimillionnaire au Monomotapa, et que tout soit dit. Que diable, il ne faut pas non plus que ce malheureux tas de millions soit un trouble-fête. Oh, merci, monsieur Bernard, s'écria Ernestine en se jetant au cou du vieux marin dans un élan d'expansion filiale. Merci de ces bonnes paroles auxquelles monsieur Olivier ne trouva rien à répondre. Je l'en défie bien, dit Gérald en prenant la main de son ami avec émotion. En un mot, mon bon Olivier, rappelle-toi ce que tu me disais il y a quelques mois, lorsqu'il était question de mon mariage avec Mademoiselle de Beauménil. Et puis enfin, dit à son tour Herminie, n'est-ce pas toujours Ernestine, la pauvre petite brodeuse, que vous et moi, monsieur Olivier, nous avons tant aimée? Tenez, monsieur, ajouta Madame de Senneterre, le désintéressement dont vous avez fait preuve en refusant l'offre de monsieur de la Roche-Aiguë me frappe tellement que vous aurez beau vous marier avec Mademoiselle de Beauménil, vous serez toujours dans ma pensée celui qui a refusé la plus riche héritière de France pour épouser une pauvre fille sans nom et sans fortune. Olivier, pour ainsi dire accablé sous des preuves d'estime et de sympathie si diverses dans leur sincérité, éprouvait cependant encore une secrète humiliation de partager, lui, si pauvre, l'immense fortune de Mademoiselle de Beauménil. Aussi reprit-il, « Je sais que je n'ai pas le droit de me montrer, en ce qui touche la délicatesse et l'honneur, plus exigeant que les personnes qui m'entourent. Je sens que ce que je viens d'apprendre de Mademoiselle de Beauménil ne fait qu'augmenter, s'il est possible, mon respect, mon dévouement pour elle, et cependant, Le marquis interrompit Olivier en allant au-devant de sa pensée. « Un mot encore, monsieur Olivier. Vous éprouvez une sorte d'humiliation à partager la grande fortune de mademoiselle de Beauménil. Cette humiliation, je la comprendrais si vous ne deviez voir, dans les biens immenses que vous apporte Ernestine, qu'un moyen de vous livrer à une oisiveté prodigue et stérile. De mener une vie de luxe et de dissipation aux dépens de votre femme. Oh alors, oui, honte, ignominie, pour ceux qui contractent de ces ignobles marchés. Mais tel ne doit pas être votre avenir, tel ne doit pas être non plus le vôtre, Gérald, car vous ignorez, et Herminie, ma fille, ma chère fille, ignore aussi, que sans lui donner une fortune en rien comparable à celle d'Ernestine, je lui assure de mon vivant environ 50 000 écus de rente dont je viens d'hériter en Allemagne. À moi, monsieur, une telle fortune ? S'écria Herminie. « Jamais, jamais, je vous conjure de... »« Écoutez-moi, mon enfant, » dit le bossu en interrompant la jeune fille. « Écoutez-moi aussi, monsieur Olivier. » Ernestine, dans quelques pages touchantes que vous lirez un jour, pages écrites sous l'invocation de la mémoire de sa mère, a tracé dans l'adorable candeur de son âme ces mots que je n'oublierai jamais. « J'ai 3 000 000 de rente. » Tant d'argent moi seul, pourquoi cela? Pourquoi tant à moi rien aux autres? Mais c'est donc une grande iniquité que l'héritage. Cette fortune immense, comment je l'ai gagnée? Hélas, par votre mort, oh ma mère, oh mon père! Ainsi, pour que je sois si riche, il faut que j'aie perdu les deux êtres que je chérissais le plus au monde. Pour que je sois riche, peut-être faut-il qu'il y ait des milliers de jeunes filles comme Herminie, toujours exposée à la détresse, malgré une vie laborieuse et irréprochable. Oh ! Ajouta le marquis avec une animation croissante. Dans ce généreux cri d'un cœur ingénu, dans ces paroles naïves comme la vérité qui sort de la bouche d'un enfant, il y a toute une révélation. Oui, vous dites vrai, Ernestine, l'héritage est une grande iniquité. Oui, l'héritage est un fléau. Lorsqu'il soulève et excite les exécrables passions dont vous avez failli être victime, pauvre cher enfant, oui, l'héritage est sacrilège lorsqu'il concentre dans des mains égoïstes d'immenses richesses qui pourraient donner des moyens d'existence et de travail à des milliers de familles. Mais aussi, l'héritage peut quelquefois s'ennoblir jusqu'au sacerdoce. Si l'héritier pratique avec ardeur les devoirs sacrés, imprescriptibles, que l'humanité impose à celui qui possède envers ceux qui ne possèdent pas. Oui, l'héritage devient un sacerdoce si le détenteur d'incalculables moyens d'action consacre sa vie entière à les appliquer à l'amélioration morale et matérielle de tous ceux que la société déshérite en faveur de quelques privilégiés. Et maintenant, reprit le bossu avec une émotion profonde en prenant la main d'Herminie et d'Olivier, dites, mes enfants, voyez-vous de l'humiliation, de la honte, vous, pauvre hier, à devenir riche selon ces principes de fraternité humaine, reculerez-vous devant cette sainte et souvent difficile mission qu'il faut accomplir chaque jour avec le dévouement le plus éclairé, si l'on veut se faire pardonner cette exorbitante inégalité qu'Ernestine, dans sa noble candeur, caractérisait en disant « Pourquoi tant à moi et rien aux autres ?»« Ah, monsieur !» s'écria Olivier avec enthousiasme. Pourquoi la fortune de mademoiselle de Beauménil n'est-elle pas plus immense encore ? Et reprenant la plume d'une main tremblante de bonheur et de joie, le jeune homme signa en bas du contrat Olivier Raymond. « Enfin !» dirent Ernestine et Herminie en se jetant dans les bras l'une de l'autre. Au moment où M. de Maillefort allait monter en voiture avec Herminie qui l'emmenait, car elle devait dès lors habiter chez son père adoptif, M. Bouffard, en proie à une curiosité désespérée, apparut inopinément aux yeux du bossu. « Parbleu, cher M. Bouffard, » dit le marquis à l'ex-épicier, « je suis ravi de vous rencontrer. L'on a bien raison de dire que la Providence emploie quelquefois les plus singuliers moyens pour arriver à ses fins. Car vous êtes un de ces très singuliers moyens, cher M. Bouffard. »« Monsieur le marquis est trop honnête, » reprit M. Bouffard, en écarquillant les yeux sans rien comprendre aux paroles du marquis. « Savez-vous une chose, cher monsieur Bouffard? C'est que sans votre impitoyable avidité de propriétaire, mademoiselle Herminie, ma fille adoptive, ne serait peut-être pas à cette heure duchesse de Sainte-Terre. Comment? Mademoiselle, comment? Ma pianiste? fille d'un marquis et duchesse de Senneterre ? Balbutia M. Bouffard abasourdi, pendant que le bossu et la jeune fille montaient dans un brillant coupé qui les emporta rapidement. Quelque temps après la signature du contrat, les personnes du monde, ainsi qu'on dit, recevaient ces deux billets de faire part. Monsieur le baron de la Roche-Aiguë a l'honneur de vous faire part du mariage de Mademoiselle Ernestine de Beauménil, sa pupille, avec Monsieur Olivier Raymond. Monsieur le marquis de Maillefort, prince-duc de Haumartel, a l'honneur de vous faire part du mariage de Mademoiselle Herminie de Maillefort, sa fille adoptive, avec Monsieur le duc Gérald de Senneterre. Ainsi se termine l'orgueil, premier des sept péchés capitaux d'Eugène Sue.